Émile Zola, La fête à Coqueville. Coqueville est un petit village planté dans une fente de rocher, à 2 lieues de Grand Port. Une belle plage de sable s'élargit devant les masures collées au flanc de la falaise, à mi-côte, comme des coquillages laissés là par la marée. Lorsque l'on monte sur les hauteurs de Grand Port vers la gauche, on voit très nettement à l'ouest la nappe jaune de la plage, pareille à un flot de poussière d'or qui aurait coulé de la fente béante du roc. Et même avec de bons yeux, on distingue les maisons, dont le ton de rouille tache la pierre, et dont les fumées émettent des traînées bleuâtres jusqu'à la crête de l'énorme rampe barrant le ciel. C'est un trou perdu. Coqueville n'a jamais pu atteindre le chiffre de 200 habitants. La gorge qui débouche sur la mer et au seuil de laquelle le village se trouve planté s'enfonce dans les terres par des détours si brusques et des pentes si raides qu'il est à peu près impossible d'y passer avec des voitures. Cela coupe toutes les communications et isole le pays, où l'on semble être à 100 lieues des hameaux voisins. Aussi, les habitants n'ont-ils avec Grand Port des communications que par eau. Presque tous pêcheurs, vivant de l'océan, ils y portent chaque jour le poisson dans leur barque. Une grande maison de factage, la maison du feu, achète leur pêche à forfait. Le père du feu est mort depuis quelques années, mais la veuve du feu a continué les affaires. Elle a simplement pris un commis, Monsieur Mouchel, grand diable blond, chargé de battre la côte et de traiter avec les pêcheurs. Ce Monsieur Mouchel est l'unique lien entre Coqueville et le monde civilisé. Coqueville mériterait un historien. Il semble certain que le village, dans la nuit des temps, fut fondé par les Mahé, une famille qui vint s'établir là et qui poussa fortement au pied de la falaise. Ces Mahé durent prospérer d'abord, en se mariant toujours entre eux, car, pendant des siècles, on ne trouve que des Mahé. Puis, sous Louis XIII, apparaît un Floche. On ne sait trop d'où il venait. Il épousa une Mahé et, dès ce moment, un phénomène se produisit. Les Floches prospérèrent à leur tour et se multiplièrent tellement qu'ils finirent peu à peu par absorber les Mahé, dont le nombre diminuait, tandis que leur fortune passait aux mains des nouveaux venus. Sans doute, les Floches apportaient un sang nouveau, des organes plus vigoureux, un tempérament qui s'adaptait mieux à ce dur milieu de plein vent et de pleine mer. En tout cas, ils sont aujourd'hui les maîtres de Coqueville. On comprend que ce déplacement du nombre et de la richesse ne se soit pas accompli sans de terribles secousses. Les Mahé et les Floches se détestent. Il y a entre eux une haine séculaire. Malgré leur déchéance, les Mahé gardent un orgueil d'anciens conquérants. En somme, ils sont les fondateurs, les ancêtres. Ils parlent avec mépris du premier Floche, un mendiant, un vagabond recueilli chez eux par pitié, et auquel leur éternel désespoir sera d'avoir donné une de leurs filles. Ce Floche, à les entendre, n'a engendré qu'une descendance de paillards et de voleurs, passant leur nuit à faire des enfants et leur journée à convoiter des héritages. Et il n'est pas d'injure dont il n'accable la puissante tribu des Floches, pris de la rage arrière de ses nobles, décimés, ruinés, qui voient le pullulement de la bourgeoisie maîtresse de leurs rentes et de leurs châteaux. Naturellement, les Floches, de leur côté, ont le triomphe insolent. Ils jouissent, ce qui les rend goguenards. Plein de moqueries pour l'antique race des Mahé, ils jurent de les chasser du village s'ils ne courbent pas la tête. Ce sont pour eux des mœurs de faim qui, au lieu de se draper dans leurs guenilles, feraient beaucoup mieux de les raccommoder. Coqueville se trouve ainsi en proie à deux factions féroces. Quelque chose comme 130 habitants résolus de manger les 50 autres, par la simple raison qu'ils sont les plus forts. La lutte entre deux grands empires n'a pas d'autre histoire. Parmi les querelles qui ont dernièrement bouleversé Coqueville, on cite la fameuse inimitié entre les deux frères Fouasse et Tupin, et les batailles retentissantes du ménage Rouget. Il faut savoir que chaque habitant recevait jadis un surnom, qui est devenu aujourd'hui un véritable nom de famille, car il était difficile de se reconnaître parmi les croisements des Mailles et des Floches. Rouget avait eu certainement un aïeul d'un blond ardent. Quant à Fouasse et à Tupin, ils se nommaient ainsi sans qu'on sût pourquoi, beaucoup de surnoms ayant perdu tout sens raisonnable à la longue. Or, la vieille Françoise, une gaillarde de 80 ans qui vivait toujours, avait eu Fouasse d'un mari. Puis, devenue veuve, elle s'était remariée avec un Floche et était accouchée de Tupin. De là, la haine des deux frères, d'autant plus que des questions d'héritage avivaient cette haine. Chez les Rouget, on se battait comme plâtre parce que Rouget accusait sa femme Marie de le trahir pour un Floche, le grand Brisemotte, un brin solide, sur lequel il s'était déjà jeté deux fois avec un couteau, en hurlant qu'il lui crèverait le ventre. Rouget, petit homme nerveux, était très rageur. Mais ce qui passionnait alors Coqueville, ce n'étaient ni les fureurs de Rouget, ni les discussions de Tupin et de Fouasse. Une grosse rumeur circulait. Delphin, un Maille, un galopin de 20 ans, osait aimer la belle Margot, la fille de la queue, le plus riche des Floches et le maire du pays. Ce la queue était en vérité un personnage considérable. On l'appelait la queue parce que son père, sous Louis-Philippe, avait le dernier ficelé ses cheveux, avec une obstination de vieillard qui tient aux modes de sa jeunesse. Donc, la queue possédait l'un des deux grands bateaux de pêche de Coqueville, le Zéphyr, le meilleur de beaucoup, tout neuf encore, et solide à la mer. L'autre grand bateau, la baleine, une patache pourrie, appartenait à Rouget, dont les matelots étaient Delphin et Fouasse, tandis que la queue emmenait avec lui Tupin et Brisemotte. Ces derniers ne tarissaient pas en rire méprisant sur la baleine. « Un sabot, disait-il, qui allait fondre un beau jour sous la vague comme une poignée de boue. » Aussi, quand la queue apprit que ce gueux de Delphin, le mousse de la baleine, se permettait de rôter autour de sa fille, allongea-t-il deux claques soignées à Margot, histoire simplement de la prévenir que jamais elle ne serait la femme d'un Maille. Du coup, Margot, furieuse, cria qu'elle passerait la paire de soufflets à Delphin s'il se permettait de venir se frotter contre ses jupes. C'était vexant d'être calotée pour un garçon qu'elle ne regardait seulement jamais en face. Margot, forte à 16 ans comme un homme et belle comme une dame, avait la réputation d'une personne méprisante, très dure aux amoureux. Et là-dessus, sur cette histoire des deux claques, de l'audace de Delphin et de la colère de Margot, on doit comprendre les commérages sans fin de Coqueville. Pourtant, certains disaient que Margot, au fond, n'était pas si furieuse de voir Delphin tourner autour d'elle. Ce Delphin était un petit blond, la peau dorée par le hâle de la mer, avec une toison de cheveux frisés qui lui descendait sur les yeux et dans le cou. Et très fort, malgré sa taille fine. Très capable d'enrosser 2-3 fois plus gros que lui. On racontait qu'il se sauvait parfois et allait passer la nuit à Grand-Port. Cela lui donnait une réputation de loup-garou auprès des filles, qu'il accusait entre elles de faire la vie, une expression vague où elle mettait toutes sortes de jouissances inconnues. Margot, quand elle parlait de Delphin, se passionnait trop. Lui souriait d'un air sournois, la regardait avec des yeux minces et luisants, sans s'inquiéter le moins du monde de ses dédains ni de ses emportements. Il passait devant sa porte, Il se coulait le long des broussailles, la guettait pendant des heures, plein d'une patience et d'une souplesse de chat à l'affût d'une mésange. Et, quand elle le découvrait tout à coup, derrière ses jupes, si près d'elle parfois qu'elle le devinait à la tiédeur de son haleine, il ne fuyait pas. Il prenait un air doux et triste, qui la laissait interdite, suffoquée, ne retrouvant sa colère que lorsqu'il était loin. Sûrement, si son père la voyait, il la giflerait encore. Ça ne pouvait pas durer. Mais elle avait beau jurer que Delphin aurait un jour la paire de gifles qu'elle lui avait promise, elle ne saisissait jamais l'instant de les lui appliquer, quand il était là, ce qui faisait dire au monde qu'elle ne devrait pas tant en parler, puisqu'elle gardait en fin de compte les gifles pour elle. Personne, cependant, ne supposait qu'elle pût jamais être la femme de Delphin. On voyait dans son cas une faiblesse de fille coquette. Quant à un mariage avec le plus gueux des Mahé, un garçon qui n'avait pas 6 chemises pour entrer en ménage et la fille du maire, l'héritière la plus riche des Floches, il aurait simplement paru monstrueux. Les méchantes langues insinuaient que, tout de même, elle pourrait bien aller avec lui, mais que pour sûr, elle ne l'épouserait pas. Une fille riche prend du plaisir, comme elle l'entend. Seulement, quand elle a de la tête, elle ne commet pas une sottise. Enfin, tout Coqueville s'intéressait à l'aventure, curieux de savoir de quelle façon les choses tourneraient. Delphin aurait-il ses 2 gifles? Ou bien Margot se laisserait-elle baiser sur les joues dans quelque trou de la falaise? Il faudrait voir. Il y en avait pour les gifles et il y en avait pour les baisers. Coqueville était en révolution. Dans le village, 2 personnes seulement, le curé et le garde-champêtre, n'appartenaient ni aux Mahé ni aux Floches. Le garde-champêtre, un grand sec dont on ignorait le nom, mais qu'on appelait l'empereur, sans doute parce qu'il avait servi sous Charles X, n'exerçait en réalité aucune surveillance sérieuse sur la commune, toute de rochers nus et de landes désertes. Un sous-préfet, qui le protégeait, lui avait créé là une sinécure, où il mangeait en paix de très petits appointements. Quant à l'abbé Radiguet, c'était l'un de ces prêtres simples d'esprit que les évêchés, désireux de s'en débarrasser, enterrent dans quelque trou perdu. Il vivait en brave homme, redevenu paysan, bêchant son étroit jardin conquis sur le roc, fumant sa pipe en regardant pousser ses salades. Son seul défaut était une gourmandise qu'il ne savait comment raffiner, réduite à adorer le maquereau et à boire du cidre, plus parfois qu'il n'en pouvait contenir. Au demeurant, le père de ses paroissiens, qui venait de loin en loin entendre une messe, pour lui être agréable. Mais le curé et le garde-champêtre avaient dû prendre parti, après avoir longtemps réussi à rester neutre. Maintenant, l'empereur tenait pour les Mahé, tandis que l'abbé Radiguet appuyait les Floches. Et de là, des complications. Comme l'empereur du matin au soir vivait en bourgeois et qu'il se lassait de compter les bateaux qui sortaient de grand port, il s'était avisé de faire la police du village. Devenu le partisan des Mahé par des instincts secrets de conservation sociale, il donnait raison à Fouasse contre Tupin. Il tâchait de prendre la femme de Rouget en flagrant délit avec Brisemotte. Il fermait surtout les yeux quand il voyait Delphin se glisser dans la cour de Margot. Le pis était que ces agissements amenaient de fortes querelles entre l'empereur et son supérieur naturel, le maître Laqueux. Respectueux de la discipline, le premier écoutait le reproche du second, puis recommençait à n'agir qu'à sa tête, ce qui désorganisait les pouvoirs publics de Coqueville. On ne pouvait passer devant le hangar décoré du nom de mairie sans être assourdi par l'éclat d'une dispute. D'un autre côté, l'abbé Radiguet, rallié aux floches triomphants, qui le comblait de maquereaux superbes, encourageait sourdement les résistances de la femme de Rouget et menaçait Margot des flammes de l'enfer si jamais elle laissait Delphin la toucher du doigt. C'était en somme l'anarchie complète. L'armée en révolte contre le pouvoir civil. La religion se faisant la complaisante des jouissances de la bourgeoisie. Tout un peuple de 180 habitants se dévorant dans un trou, en face de la mer immense et de l'infini du ciel. Seul, au milieu de Coqueville bouleversée, Delphin gardait son rire de garçon amoureux, qui se moquait du reste, pourvu que Margot fût à lui. Il la chassait au lacet comme on chasse les lapins. Très sage, malgré son air fou, il voulait que le curé les mariât, pour que le plaisir durât toujours. Un soir, Margot leva enfin la main dans un sentier où il la guettait. Mais elle resta toute rouge, car, sans attendre la gifle, il avait saisi cette main qui le menaçait et la baisait furieusement. Comme elle tremblait, il lui dit à voix basse « Je t'aime. Veux-tu de moi ?»« Jamais » cria-t-elle révoltée. Il haussa les épaules, puis, d'un air tranquille et tendre, « Ne dis donc pas ça. Nous serons très bien, tous les deux. » « Tu verras comme c'est bon. »